tourmente les brodettes. Si tu chies dans ton jean bordel, nique les flics qui veulent que je me dessape comme un chimpanzee. Rien que ça cruche, j'ai un vécu, tiens ça crevard, ferme ta gueule, fume ton cul de joint. En provenance d'une fin violence, tu veux de la zep, on te bicrave de l'herbe de Provence. Si tu veux du sub, on te donne un bout de bois, c'est le son d'une œuvre. Moi j'écoute pas de Booba.